Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Question 87. De la vie éternelle, et d'abord de la connaissance des mérites et des démérites au jour du jugement. Connaissance que chacun aura de ses propres péchés, et des péchés des autres par une vue d'ensemble. 1. Après la résurrection, chaque homme connaîtra-t-il tous les péchés qu'il aura commis? Conformément à cette parole, l'homme voit ce qui paraît au dehors, mais le Seigneur découvre le fond du cœur. 1. Rois 16, 7. Le jugement de Dieu s'appuiera sur le témoignage des consciences, à la différence des jugements humains, qui se prononcent d'après les témoignages extérieurs. Puisque le jugement divin sera très parfait, notre conscience y déposera fidèlement de tout ce qui en doit être l'objet, c'est-à-dire de toutes nos œuvres bonnes ou mauvaises. Il faut, disait saint Paul, que nous soyons tous manifestés au tribunal du Christ, afin que chacun lui rende compte de ce qu'il a fait sur la terre, soit le bien, soit le mal. 2 Corinthiens 5, 10. Il s'ensuit que les péchés de chaque homme seront présents à sa propre mémoire. Nous avons, pour confirmer cette vérité, cet autre mot du même apôtre, « Dans ce jour où Dieu nous jugera, chacun recevra le témoignage de sa propre conscience, il sera accusé ou défendu par ses propres pensées. » Romains 2, 15. Dans un jugement quelconque, le témoin, l'accusateur et le défenseur doivent au moins connaître la matière du procès. Il est donc clair qu'au jugement dernier, où toutes les œuvres humaines seront appréciées, chacun possédera la connaissance de ce qu'il aura fait. Les consciences y ressembleront au registre des tribunaux humains, où sont renfermés tous les actes sur lesquels doit porter un jugement. Aussi est-il écrit, les livres furent ouverts, et un autre livre, le livre de vie, fut ouvert aussi, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, 12. Les premiers livres, ce sont les consciences, le second, la sentence du souverain juge, écrite d'avance dans le livre de la Providence divine. 2. Chacun pourra-t-il lire ce qui sera dans la conscience des autres? Le Seigneur illuminera les plus profondes ténèbres. 1 Corinthiens 4, 5. Au jugement suprême et universel, la justice divine, cachée maintenant dans la plupart des cas, doit éclater avec évidence. Or, pour cela, il ne suffit pas que la sentence soit basée sur les mérites ou les démérites de chacun. Il faut de plus que tous ceux qui la connaîtront sachent de quelle manière elle a été méritée, et, par conséquent, les mérites ou les démérites sur lesquels elle sera fondée seront connus de tous, et de chacun. Voilà le sentiment le plus probable et le plus généralement adopté. Le maître des sentences prétend que les péchés effacés par la pénitence ne seront pas manifestés au dernier jour, mais son avis ne saurait être suivi. Il en résulterait que la pénitence elle-même, par laquelle ces péchés ont été expiés, ne serait pas non plus connue, et cela nuirait en même temps à la gloire des saints et à la gloire de Dieu, qui a usé de tant de miséricorde envers ses élus. Note. La manifestation des péchés, qui sera pour les pécheurs un sujet d'ignominie en punition de leur négligence à s'en confesser, ne tournera nullement à la honte et à la confusion des saints. Elle aura, au contraire, pour effet de les couvrir de gloire, à raison de leur pénitence. Ainsi l'honneur de Marie-Madeleine ne souffre pas de la publication solennelle que fait l'Église de ses désordres. Tel encore un confesseur approuve celui qui s'accuse avec courage des plus grands crimes. De ce qu'un pécheur verra les péchés des autres, sa propre honte, loin d'en être amoindrie, sera plutôt augmentée, le blâme dont ils seront l'objet la lui fera sentir davantage. Il ne s'agira plus alors de l'appréciation des hommes, qui faiblit devant la coutume, la confusion viendra de l'appréciation de Dieu même, toujours conforme à la vérité, soit qu'un péché n'ait été commis que par un seul homme, soit qu'il l'ait été par un grand nombre. Fin de la note. 3. Chacun verra-t-il d'un seul regard tous les mérites et les démérites, les siens et ceux des autres? Il existe deux opinions à cet égard, plusieurs prétendent que l'on verra à la fois et dans un seul instant tous les mérites et les démérites, tant des autres que de soi. On peut le croire des bienheureux, qui, voyant tout dans le Verbe, y contempleront plusieurs choses en même temps, mais cela ne se peut guère dire des damnés, auxquels la vision de l'essence divine ne sera pas donnée. C'est pourquoi, d'autres soutiennent que les méchants verront simultanément, mais seulement d'une manière générale, leurs péchés et ceux des autres, ce qui suffit, selon eux, pour la condamnation ou l'absolution du jugement dernier. Mais saint Augustin n'est pas de cet avis, ils énumèreront, dit-il, toutes leurs fautes dans leurs pensées. On n'énumère pas ce que l'on ne connaît point en détail. Adoptant un terme moyen, nous pensons qu'ils verront chacune de leurs fautes, non d'une manière instantanée, mais dans un temps très court. Il n'y a rien en cela d'impossible, un temps, si court qu'il soit, renferme une infinité d'instants. Question 88. Du jugement général. Il y aura un jugement général, à une époque non connue, dans la vallée de Josaphat. 1. Y aura-t-il un jugement universel? Il est dit, les Ninivites s'élèveront, au jour du jugement, contre cette génération et la condamneront, Matthieu 12, 41. Et encore, ceux qui auront bien fait sortiront des tombeaux pour la résurrection de la vie, ceux qui auront mal fait, pour subir leur condamnation, Jean 5, 29. Il est évident par là qu'il y aura un jugement général. Ce jugement, correspondant à la création de l'univers dont il sera le dernier complément, donnera à tous les êtres, d'une manière définitive, ce qui leur est rigoureusement dû. La justice divine s'y manifestera avec éclat en éclairant toutes les ténèbres dont elle semble actuellement s'environner, et on y verra pourquoi elle fait servir un homme au bien des autres. Contrairement à ce que paraissent exiger ses œuvres extérieures. Alors aussi s'accomplira l'entière séparation des justes et des pécheurs, qui ne pourront plus concourir à s'améliorer les uns les autres, but que se propose la Providence dans leur mélange ici-bas. Note. Le jugement particulier ne donne point complètement à chacun ce qui lui revient. Le corps ne participe ni à la récompense, ni à la punition. À partir du jugement universel, les méchants seront punis dans leur corps ainsi que dans leur âme, et les bons seront pareillement récompensés sous ce double rapport. On peut même ajouter que la gloire des saints et la peine des damnés seront augmentées, le nombre des uns et des autres étant désormais complet. Car les feux de l'enfer nous apparaissent d'autant plus terribles, que la masse des damnés sera plus grande. Ce qui montre, en dernier lieu, la nécessité d'un jugement universel, c'est que si chaque homme, après le jugement particulier, est certain de son bonheur ou de son malheur éternel, il ignore néanmoins le sort des autres. Il le saura après le jugement général. Voyez ce qui a été dit précédemment sur ce sujet, de la prudence. Question 47. Fin de la note. 2. Le jugement se fera-t-il au moyen de la parole extérieure? Dans l'impossibilité de rien définir avec certitude sur cette question, il faut s'en tenir à des probabilités. Il est vraisemblable que ce dernier jugement sera instruit et prononcé d'une manière mentale, car, si les actions de chaque homme devaient être racontées à haute voix et en détail, il faudrait pour cela un temps incalculable. Saint Augustin disait très bien, si le livre d'après lequel tous les hommes seront jugés était un livre matériel, qui pourrait en apprécier les dimensions? Et combien de temps faudrait-il pour lire ce volume où serait renfermée la vie entière de tous les hommes? Comme il ne faudrait pas moins de temps pour la raconter que pour la lire, il est probable que les paroles rapportées dans l'Évangile, Matthieu 25, seront dites, non de vive voix, mais d'une manière mentale. Note. Quoi qu'il en soit, le Christ apparaîtra visiblement, afin que tous, en le voyant de leurs yeux, le connaissent, ce qui pourra avoir lieu subitement, tandis qu'une discussion orale exigerait un temps pour ainsi dire infini. Il nous semble difficile de concilier l'opinion de notre auteur avec ses paroles, si formelles, que notre Seigneur, d'après l'Évangile, adressera successivement aux réprouvés et aux élus, allez, maudits, au feu éternel. Venez les bénis de mon Père. De telles expressions ne nous paraissent pas pouvoir être entendues dans le sens purement mental. La longueur du temps que l'on allait contre le jugement oral, est-elle une raison bien concluante? Dieu ne pourra-t-il pas, dans sa sagesse, trouver le moyen de l'abréger? Lui faudrait-il, par exemple, un temps infini pour juger les hommes sur les commandements, de manière que les coupables vinssent se ranger à sa gauche avec la marque distinctive de leur péché mortel, pendant que les hommes justes sur toute la loi resteraient à sa droite? Nous croyons, au reste, que saint Thomas ne parle que de la révision et de la manifestation des consciences, c'est-à-dire de l'instruction du jugement et de la sentence individuelle prononcée contre chacun des hommes, chose qui, très probablement, s'accompliront seulement par une vue de l'esprit. Fin de la note. 3. Le temps du jugement général est-il connu? Quant à ce jour ou à cette heure, a dit notre Seigneur, personne n'en a connaissance, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Marc 13, 32. Saint Paul ajoute, le jour du Seigneur viendra comme un voleur pendant la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Le temps du jugement général n'est donc pas connu. Il convient, en effet, que la fin du monde, qui ne doit être le résultat d'aucune cause créée, et qui dépend de l'action divine autant que la création elle-même, soit réservée à la connaissance et à la puissance de Dieu seul. Le Seigneur lui-même nous indique cette raison, en disant, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a réservés à sa puissance. » Actes des Apôtres 7. Note. En nous laissant ignorer l'époque du jugement, Dieu a pour dessein d'exciter notre vigilance sur nous-mêmes et notre sollicitude pour les autres. Fin de la note. 4. Le jugement se fera-t-il dans la vallée de Josaphat? Il est écrit, j'assemblerai tous les peuples, je les amènerai dans la vallée de Josaphat. Et là j'entrerai en jugement avec eux, Joël 3:2, et encore, ce Jésus, qui s'est élevé dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'y avez vu monter, Actes des Apôtres 11. Jésus est monté au ciel du haut de la montagne des Oliviers, qui domine la vallée de Josaphat. Donc le jugement dernier aura lieu aux environs de cette vallée. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude de quelle manière il s'y fera, ni comment les hommes y seront réunis. Nous induisons seulement des textes des livres saints que le Christ, afin de montrer son identité, reparaîtra sur cette même montagne d'où il s'est élevé aux cieux. Note. On a objecté que la vallée de Josaphat est trop étroite pour contenir tous les hommes, comme si une grande multitude ne pouvait pas être renfermée dans un espace étroit, comme si ceux qui doivent être jugés ne pouvaient pas occuper une circonférence aussi grande que l'on voudra. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.